Toujours à l'occasion de l'anniversaire de la fondation du Parti de travail de Corée, les séminaires ont eu lieu en Roumanie, en Suède, en Espagne, à Sri Lanka, en Indonésie et au Congo démocratique. Les orateurs ont exalté les exploits mortels du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, accomplis pour la fondation et le développement du Parti de travail de Corée, et exprimé leur conviction que sous la direction du maréchal Kim Jong-un, le peuple coréen réalisera à coup sûr l'édification d'une puissance socialiste et la cause de la réunification de la patrie. Au séminaire tenu en Suède, on a adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.